La distance ne peut ternir mon amour. Ta pensée habite en moi. Je ne suis devenu qu'un rêveur. Éloigné de toi me ronge le cœur. Qui ne se sent bien qu'à tes côtés pour humer ton parfum. Je t'écris ces quelques vers pour te traduire mon intérieur de si loin. De si loin, ton image me poursuit. Vraiment, je ne puis m'enfuir. De si loin, j'entends ta douce voix qui résonne si fort en moi. De si loin, je goûte le miel de ton premier baiser qui m'a tant effrayé. Ta bouche est un gourmet de délices. Tes lèvres sont comme des pétales de rose. Comme une abeille, moi, je suce ton sucrose. De si loin, j'imagine ta créature, gracieusement enveloppée dans ta carrure. De si loin, je sens qu'un jour pas trop lointain, ton cœur sentira de ma présence le besoin. Et ainsi prendra fin ma souffrance aussi dure qu'une pénitence. Je serai l'homme le plus heureux après avoir été si malheureux. Aussi, devenir l'élu de ton cœur pour jouir à jamais de toute ta saveur.